rappeur raconte des histoires. À toi de voir si tu veux y croire. Mais la plupart sont des mythomanes qui rêvent leur vie en vie. La vie est le cauchemar de Tony. Tous prétendent être des gangsters. Ils s'imaginent que rapper, c'est comme faire. Ils chantent la rue depuis leur studio. Ni Youf, ni Kaira, rien d'autre que des sales gosses avec un micro. Mais toi, tu vis la banlieue réelle. Les impacts sur ton cœur sont des impacts à balles réelles. Tu braques, tu deals, t'arnaques, et c'est réel. T'encours des grosses peines, et c'est réel. Seul dans ta cellule, c'est réel. C'est pas moi qui t'envoie des mandats. C'est dur, mais c'est réel. Tu vis de l'économie parallèle, parallèle, c'est réel et parfois même c'est mortel. Devoir de sincérité, je fais gaffe à ce que je fais du don dont j'ai hérité. Depuis que j'ai commencé, je rapperai, je prétends représenter ce dont les rêves n'ont plus d'elle. Sincèrement, j'ai mis mon rap à votre service. Vous êtes des stars, moi je suis qu'un artiste. Je pratique un art triste, tristement réel. La vie n'est pas le rap game, les enjeux sont réels, réels. Prends pas ta vie pour une chanson, parce qu'un beau jour tu vas danser sans son. Pendant ce temps les rappeurs feront des tubes, et même quand tu seras enfermé les rappeurs feront des thunes. Entends les glorifier la rue, mais la rue si tu l'aimes trop c'est que t'y as peu vécu. Car je vois rien de drôle ici. On frôle la mort ou la tôle, c'est la tragédie des halls. Mec, tes embrouilles sont réelles, serait pas sur Dailymotion, mais seul dans une ruelle raye. Et si ton œuf s'enraye, c'est réel. L'autre charge le sien et t'envoie un coucher de soleil. Bye, bye, toi t'es Kaira pour de vrai. Les rappeurs font du rap, ne sont thugs que le temps d'un couple et pas d'un drive. Bye, rien ne compte à part le succès. Si tu ignores qui ils sont, tâche au moins de savoir qui t'es. Parce que les enquêtes sont réelles, une cigarette de trop et les keufs tiennent ton ADN. Un mégot peut t'éloigner du magot. Gros, c'est réel dans les narcos ou les bracos. Devoir de sincérité, je fais gaffe à ce que je fais du don dont j'ai hérité. Depuis que j'ai commencé, je rappe réel. Je prétends représenter ce dont les rêves n'ont plus d'elle. Sincèrement, j'ai mis mon rap à votre service. Vous êtes des stars, moi je suis qu'un artiste. Je pratique un art triste, tristement réel. La vie n'est pas le rap game, les enjeux sont réels, réels. 6h du mat, perquise, c'est réel. Dans la douceur de l'aube, brutal est le réveil. De toute façon, troublé est le sommeil. La peur ou les remords te tiennent en éveil, c'est réel. Les keufs bousculent ton père, c'est réel. Menace d'embarquer ta mère, c'est cruel mais réel. T'as l'impression de te faire violer, t'as beau crier à l'aide, mais aucun rappeur ne vient te consoler. Faut t'y faire, ta vie est réelle, petit frère. Pas de second ronde après le cimetière. Les rappeurs prononcent des paroles dont ils ignorent le sens. Parlent de feu mais ne touchent jamais d'essence. Parlent de flingue mais n'ont jamais tué personne. Sois pas naïf, la violence est réelle et leur rap est fictif. C'est honteux de faire du fric sur la misère. Ne les crois pas authentiques parce qu'ils sont vulgaires, petit frère. Du poison avec un coup de miel, c'est tout ce qu'ils ont. Moi je suis vrai, je n'ai que du réel. Réel, froid, pas comme au cinéma. Les yeux rougis par le sang sur le plasma. Devoir de sincérité, je fais gaffe à ce que je fais du don dont j'ai hérité. Depuis que j'ai commencé, je rappe réel. Je prétends représenter ce dont les rêves n'ont plus d'elle. Sincèrement, j'ai mis mon rap à votre service. Vous êtes des stars, moi je suis qu'un artiste. Je pratique un art triste, tristement réel. La vie n'est pas le rap game, les enjeux sont réels, réels. Devoir de sincérité, je fais gaffe à ce que je fais du don dont j'ai hérité. Depuis que j'ai commencé, je rappe réel. Je prétends représenter ce dont les rêves n'ont plus d'elle. Sincèrement, j'ai mis mon rap à votre service. Vous êtes des stars, moi je suis qu'un artiste. Je pratique un art triste, tristement réel. La vie n'est pas le rap game, les enjeux sont réels, réels. Devoir de sincérité, je peux pas te mentir. Moi je te parle comme un homme. Ne confond pas le rap et la vie. Y'a pas de gangsters parmi les MC. Les rappeurs voudraient te ressembler, et toi t'essaies de reproduire ce qu'ils fantasment. Ça a pas de sens. T'y penseras quand tu seras au tribunal. Tu verras, même le procureur a des punchlines. 6 heures du mat, perquise. Jugement aux assises. Menottes au poignet. Passer l'été emprisonné. Drug lights, street lights, faire brûler un corps, entrave, foule au corps. trahison et assassine. Thug life, street life.